Devenez membre de CKRL ou faites un don pré-Radioton et courez la chance de gagner un des deux prix suivants. 150$ à la boutique Le Pédalier. 150$ chez Sillon le disquaire. 418-640-2575 ou sur sillon.com. 89.1. Québec. Aujourd'hui au Grain de sable, une entrevue avec André Jacob, coordonnateur de l'Observatoire international sur le racisme et les discriminations, à la chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté de l'UQAM et la chronique de Robert Jasmin en seconde partie d'émission. Le Grain de sable d'Attaque Québec. Bonjour à tous. C'est Valérie Blouin qui vous retrouve pour la prochaine heure et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle édition du Grain de sable en ce 17 mars, fête de la Sainte-Patrick, fête des Irlandais. Alors, le Grain de sable est un magazine d'actualité socio-économique. Je vous le rappelle, c'est réalisé par les membres d'Attaque Québec et on y reçoit des gens engagés. Et aussi, on y écoute de la super musique engagée. Comme je vous le mentionnais, nous allons nous entretenir avec le coordonnateur de l'Observatoire international sur le racisme et les discriminations, M. André Jacob. Notre entretien sera en lien avec la semaine d'action contre le racisme du 19 au 25 mars. Nous aurons ensuite l'éditorial hebdomadaire de Claude Vaillancourt, président d'Attaque Québec. Puis ce sera la chronique de Robert Jasmin. Alors d'abord, on écoute « Regarde-moi » par Soprano. À tout de suite. Regarde-moi, je suis la France d'en bas. Le chômage et la crise, mec, c'est moi qui la combat. Je vis au quotidien ce que tu ne connais pas, que tu ne comprends pas, juste en bas de chez toi. Regarde-moi, ouais, regarde-moi, moi. Regarde-moi, ouais, regarde-moi, moi. Avec des parents qui ne parlaient pas un mot français. Des problèmes financiers qu'obligeait le daron à rentrer du chantier avec le dos cassé. Pour être sûr de ne plus croiser les huissiers, pour pouvoir les aider, j'ai taffé au lycée. Car on m'a toujours dit que les diplômes ramenaient un métier. J'ai passé mes soirées à bosser d'arrache-pied, jusqu'au jour où je réussis mes examens avec succès. La fierté de la famille, j'étais la lueur d'espoir pour enfin leur faire quitter la cité. Mais malgré mon CV, toutes les portes se fermaient. Ils disaient trop qualifié, moi je dirais trop basané. Je me suis mis à bosser, agent de sécurité. C'était provisoire pour assurer l'arrivée du bébé. Mais les années passées, les factures entassées. Je suis rentré dans une banque à goulet et j'ai crié. Regarde-moi, je suis la France d'en bas. Le chômage et la crise, mec, c'est moi qui la combat. Je vis au quotidien ce que tu ne connais pas, que tu ne comprends pas, juste en bas de chez toi. Regarde-moi, ouais, regarde-moi, moi. Regarde-moi, ouais, regarde-moi, moi. J'ai grandi loin des milieux aisés, complètement français. De parents divorcés à cause d'un père au penchant alcoolisé. J'ai dû stopper les études pour mieux aider la maman à payer les couches de Johanna. Ma petite sœur à moi, mon bijou, mon karma. Celle qui me redonne le sourire quand ça va mal. Je la voyais déjà, médecin ou avocat. Mais le destin a fait pour ma sœur un autre choix. À 16 ans un bébé, un loyer à payer. Le père qui s'est barré, de peur d'assumer. Des dettes plein le cerveau, toujours pas de boulot pour payer le lait, les couches de ce petit marmot. Elle se met à teaser pour pouvoir oublier. Le neurone explosé à force de fumer. Un soir de juillet, le ventre plein de cachets. Sur le répondeur des pompiers, elle se met à crier. Regarde-moi, la France d'en bas. Le chômage et la crise, mec, c'est moi qui la combat. Je vis au quotidien ce que tu ne connais pas, que tu ne comprends pas, juste en bas de chez toi. Regarde-moi, ouais, regarde-moi, moi. Regarde-moi, ouais, regarde-moi, moi. Voilà, c'était Soprano qui chantait « Regarde-moi ». Aujourd'hui, on s'entretient avec André Jacob. Bonjour, Monsieur Jacob. Bonjour, Monsieur Jacob. Vous m'entendez? Oui, alors vous êtes coordonnateur de l'Observatoire international sur le racisme et les discriminations. Oui. J'ai envie de débuter notre entretien par une citation de Claude Bellan, ex-président du mouvement Desjardins, qui est tout à votre honneur. Alors, l'Observatoire international sur le racisme et les discriminations joue un rôle fort important dans ce village global qui est devenu notre société sous l'effet de la globalisation. Ses travaux sur ce plan sont remarquables. Ils méritent notre appui. N'est-ce pas merveilleux? Ah oui, absolument. Pourriez-vous nous éclairer sur le rôle de l'Observatoire que vous coordonnez et sur les travaux qui y sont menés? En fait, l'Observatoire est un organisme qui dépend d'une équipe de recherche de l'Université du Québec à Montréal qui s'appelle la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté. Et puis, le mandat de l'Observatoire, en fait, c'est de faire une sorte de suivi de la situation du racisme et de la discrimination. Et c'est pour ça qu'il y a des recherches qui sont faites par différents collègues dans le réseau des universités, des professeurs qui sont membres de la CRIEC, la Chaire de recherche et de l'Observatoire. C'est aussi, nous publions un bulletin sur différents sujets, comme ça, le prochain bulletin, c'est le thème, par rapport au thème de la semaine d'action contre le racisme, qui est une entreprise ouverte à la diversité. Et nous faisons chaque semaine ce que nous appelons la veille de l'Observatoire, c'est-à-dire un suivi de ce qui se passe dans les médias, dans les revues, etc., sur ces questions-là, que nous envoyons tout un réseau d'abonnés par Internet là, qui veulent s'informer au sujet de ces questions-là. Très intéressant. Oui, voilà. Donc ça résume en gros les travaux et un petit peu le votre rôle. Venons-en à la semaine d'action contre le racisme, justement, qui va se dérouler du 19 au 25 mars. Oui. Vous l'avez mentionné, donc le thème cette année est l'entreprise ouverte à la diversité, point d'interrogation. Alors le fait d'avoir choisi ce thème, je suppose que ça indique qu'il y a encore bien du chemin à faire dans nos entreprises. Est-ce que je me trompe? Non, vous avez tout à fait raison. En fait, je dirais que la situation ne va pas en s'améliorant. Dans le sens que maintenant, l'immigration de travailleurs temporaires a dépassé même le nombre de ce qu'on appelle des résidents permanents, c'est-à-dire des immigrants qui arrivent ici pour rester définitivement. Alors, il y a de plus en plus de travailleurs temporaires qui viennent de l'étranger dans les entreprises. Et les programmes d'accueil ne sont pas nécessairement implantés dans les entreprises. Il n'y a pas nécessairement d'action entreprise pour faciliter l'intégration de ces gens-là, qui par définition sont temporaires, donc on ne fait pas beaucoup d'efforts. Souvent, ils sont sous-payés. Souvent, on ne connaît pas tellement. Bon, il y a toutes sortes de situations qui se passent. Et puis, donc ces gens-là n'ont pas droit non plus, sauf une infime minorité qui ont accès, à obtenir éventuellement la résidence permanente. Et puis, on pense qu'il y a une question là autour de ça qui est très importante en termes de respect des droits de ces gens-là. Et puis aussi, travail à faire au sein des entreprises pour créer des conditions qui soient de travail, qui soient les mêmes finalement que les travailleurs, disons, nationaux ou locaux. Alors, vous soulevez vraiment qu'il y a vraiment une différence entre les deux. On peut vous lire également dans Le Devoir, ça l'a paru, je crois, le 27 février. Donc, main-d'œuvre immigrante, encore et toujours de la discrimination. Et ce sujet, donc, vous avez écrit, donc je vous cite, « Même les produits importés doivent être soumis au respect des normes éthiques pour entrer dans le cercle de la distribution. Pourquoi l'État n'impose-t-il pas des exigences strictes de protection des droits aux entreprises qui abusent de cette main-d'œuvre captive? » Donc, fin de la citation. Alors, peut-être, j'aimerais vous entendre un peu là-dessus. Est-ce que vous pouvez élaborer, concernant ce que devraient faire nos gouvernements par rapport à cette situation-là, donc que vous décrivez quand même comme du racisme et de discrimination, qu'est-ce que devraient faire ces entreprises? Vous êtes quand même assez critique par rapport à ceci. Oui, je ne suis pas le seul. En fait, c'est des études de mes différents collègues là, révèlent que les conditions ne sont pas toujours idéales, loin de là. Donc, souvent, ces travailleurs-là travaillent au salaire minimum. Mm-hmm. Théoriquement, je dis bien, en principe, ils ont droit aux mêmes conditions que les autres travailleurs, c'est-à-dire, par exemple, En cas d'accident, il faut que bon, ils peuvent être soumis à la CSST, etc., avoir des soins, etc., ce qui n'est pas nécessairement le cas. Il y a des entreprises qui cachent les accidents, qui camouflent les accidents. Ces gens-là sont souvent soumis à des conditions de dépendance, dans le sens qu'ils ne peuvent pas vraiment donc critiquer, ils ne peuvent pas vraiment s'organiser. On sait que les gens qui essayent de s'associer, qui tentent de former un syndicat dans ces milieux-là, c'est extrêmement... La plupart sont congédiés immédiatement, retournés chez eux, etc. Donc, ça, c'est le droit d'association qui n'est pas nécessairement respecté. Et il y a même des situations extrêmes où il y a des employeurs, il y a des cas connus qui ont droit d'avoir des travailleurs temporaires, mais qui louent cette main-d'œuvre temporaire à d'autres employeurs en se faisant payer un surplus. Le travailleur est payé au salaire minimum, mais en louant de cette main-d'œuvre-là, l'employeur premier se fait payer plus cher, si l'on veut. Donc, on n'est pas loin de situation d'esclavage, là. Oui, tout à fait. Ce n'est pas généralisé, évidemment, et heureusement. Mais c'est ça, il y a les conditions ne sont pas nécessairement respectées. Et autant le fédéral que le provincial laissent pas mal la discrétion des entreprises privées de faire un peu ce qu'elles veulent. Dans le secteur agricole, par exemple, tout est contrôlé pratiquement par le privé. L'organisme ferme, qui recrute, embauche, organise des voyages, etc. Donc, mais ces entreprises-là, souvent, ne sont pas imputables tellement. Il y en a qui abusent. Il y en a qui traitent bien leurs employés, mais il y en a qui abusent. Vous, c'est ça, en tant que coordonnateur de l'Observatoire international sur le racisme et les discriminations, donc vous êtes un témoin là, de certains cas, comme vous le dites là actuellement, donc c'est des cas extrêmes parfois là, qui peuvent arriver. Oui, mais il y a des cas qui ne sont pas extrêmes. Oui, oui. Bon, dans le sens que, écoutez, par exemple, si un travailleur est dans la même entreprise depuis 4 ou 5 ans, mais il est toujours au salaire minimum, il a acquis une expérience, il a peut-être des responsabilités, mais souvent, il est encore au salaire minimum, mais il ne peut pas vraiment réclamer davantage parce qu'ils vont dire, écoute, c'est dommage, mais on ne peut pas payer davantage. On va chez vous. Bon. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que vous dites que la main-d'œuvre est captive. Ben oui. Mm-hmm. D'autant plus que souvent, la main-d'œuvre, en termes d'hébergement, doit demeurer dans des endroits qui sont sous le contrôle des entreprises. Puis c'est encore là, même au niveau de l'hébergement, il y a des abus. On a des preuves, on a des photos d'endroits où c'est vraiment des gens vivent une promiscuité incroyable. Et puis avec vraiment dans des espèces de résidences secondaires qui sont pas que pas beaucoup de monde ici accepterait. Donc c'est sûr que il faut faire attention pour ne pas généraliser, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a des abus, mais quand même assez répandus. Et on voit, par exemple, dans le secteur, des secteurs où les conditions de travail sont très difficiles, notamment dans les abattoirs, par exemple, et puis il y a des accidents qui ne sont pas déclarés, etc. Oui. Bon, ce sont tous ces cas-là, finalement, comme on ne peut pas dire que le racisme est généralisé dans la société, mais quand il y a des cas, on n'a pas le choix de les voir. Hein. Puis il y a des situations qui sont quand même assez, je dirais, structurées de façon à toucher beaucoup, beaucoup de monde. Alors, c'est quand même inquiétant là, ce que vous nous révélez aujourd'hui, là, parce qu'on n'en entend pas souvent parler de ça. Et donc, mis à part le rôle du gouvernement pour éviter que ces situations-là se perdurent, est-ce que nous, on peut faire quelque chose? Qu'est-ce qu'on peut faire individuellement pour que la situation s'améliore? Bien, je pense que qu'est-ce qu'on peut faire individuellement, c'est-à-dire c'est être bien conscient qu'il y a cette masse de main-d'œuvre qui est présente sur le territoire canadien et québécois, devrait avoir des droits reconnus, en principe, pas des droits reconnus, mais qu'il devrait avoir, si on est conscient comme citoyen, je veux dire, on doit sensibiliser notre entourage à ces questions-là quand on peut le faire. Et sortir de cette logique utilitariste que c'est comme utilitariste dans le sens que c'est une main-d'œuvre qui est utile, dans le sens qu'on peut l'utiliser et qu'on peut rejeter comme on veut. Là. C'est une main-d'œuvre qui est dépendante. Et bon, reconnaître que ce sont des êtres humains, etc. Écoutez, il y a tellement de cas de gens qui sont refoulés, par exemple, dans leur pays parce qu'ils ont osé juste critiquer ou demander des améliorations de salaire, etc. Donc, c'est particulièrement au niveau du droit d'association, on le sait comment c'est combattu beaucoup dans le milieu agricole. Les gens veulent pas avoir de syndicats des travailleurs étrangers. Mais pourquoi les gens veulent se syndiquer? C'est parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Il y a quelque chose qui fonctionne pas dans l'organisation du travail, quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau des salaires payés, au niveau des respect des gens quand ils ont des accidents de travail, etc. Mm-hmm. Alors, une dernière question. Est-ce que vous êtes plutôt pessimiste ou plutôt optimiste par rapport au racisme et aux discriminations? En d'autres mots, est-ce qu'il y a des signes d'encouragement ou s'il faut se résigner à voir le racisme et diverses discriminations se perpétuer au Québec? Écoutez, je suis de nature optimiste, mais quand je regarde les politiques gouvernementales actuelles, tant fédérales qu'au provincial, notamment provincial, le gouvernement du Québec a adopté un plan d'action de lutte contre le racisme en 2008, mais on n'en a pas vu la couleur. Ce beau rapport-là semble avoir été tabletté. Il n'y a pas eu d'action qui a été prise, il n'y a pas eu vraiment de suite. Nous-mêmes, nous recevions une petite subvention du gouvernement provincial pour appuyer notre travail, mais depuis 2 ans, la subvention nous a été coupée. Donc, le gouvernement est plutôt dans une position de laisser faire. Donc, dans ce sens-là, je suis pas très optimiste et je pense que des actions citoyennes sont nécessaires pour se rendre compte qu'il y a vraiment des cas d'exploitation et de discrimination quand même assez nombreux pour qu'il y ait des changements. Et c'est pas par hasard que ce thème-là a été choisi, c'est parce que la situation devient critique de plus en plus, parce qu'il y en a de plus en plus de travailleurs temporaires, y compris dans les domaines spécialisés comme l'informatique, il y en a dans le domaine de l'hébergement, le secteur agricole, les abattoirs, il y en a dans plusieurs secteurs maintenant, la construction, etc. Et puis, faut sortir de cette logique aussi qui dit « Ah, on trouve pas de main-d'œuvre ici, ça ne justifie pas tout. » Ça ne justifie pas tout. Merci beaucoup, M. André Jacob, de nous avoir accordé cette entrevue. Vraiment, c'est moi qui vous remercie. Très intéressant et on souhaite justement des actions qui vont mener à des résultats positifs. Merveilleux, continuez votre beau travail. Merci à vous. Alors, je vous rappelle que vous êtes coordonnateur de l'Observatoire international sur le racisme et les discriminations à l'UQAM. Alors, je vous donne maintenant, chers auditeurs, l'adresse de leur site, si ça vous a interpellé. Ce sujet, donc contre le racisme et la discrimination, et cette année, leur thème, c'est l'entreprise ouverte à la diversité. Alors, leur site, c'est www.criec.ucam.ca, observatoire. Et je vous invite à lire cet article qui est apparu dans Le Devoir, que vous pouvez retrouver facilement. C'est apparu le 27 février 2012. Le titre, ça s'intitule « Main-d'œuvre immigrante, encore et toujours la discrimination ». Alors, nous allons mettre les liens dans notre blog legrainsable.qc.org. Avant de poursuivre avec l'éditorial de Claude Vaillancourt, président d'Atta Québec, on écoute « Liberté d'expression » par le groupe Mise en demeure. À tout de suite. T'as le droit d'être un piquiste, mais on a le droit de trouver cave. D'avoir tes 2 chars écolo, de faire des mohawks à tes flots, mais on a le droit de trouver cave. T'as le droit d'être un hipster, de te promener en fixie à toute heure, mais on a le droit de trouver cave. De manger au aroma, mais on a le droit de trouver cave. T'as le droit d'être un rainbow. fait promener pieds nus dans le métro. Mais on a le droit de trouver qu'un. T'as le droit d'être anarchiste, de t'habiller comme tes amis en te disant anticonformiste, mais on a le droit de te trouver cave. T'as le droit d'être marginal, d'être toujours gelé comme une balle, d'étudier au vieux Montréal, mais on a le droit de te trouver cave. T'as le droit d'être révolté, de le clamer dans les assemblées juste avant d'aller travailler, mais on a le droit de te trouver cave. Tu veux faire la révolution, tu veux débattre dans ton salon, en écoutant nos chansons, mais on a le droit de te trouver cave. Le groupe Mise en demeure avec leur chanson inspirée du mouvement de grève dans les collèges et universités du Québec, qui s'intitule « Liberté d'expression ». Nous allons ajouter tout cela sur notre blog un peu plus tard dans la journée. Alors, vous écoutez Le Grain de sable sur CKRL 89.1, votre magazine d'actualité socio-économique. Je vous annonce, chers auditeurs, de vous préparer au 31e Radioton de CKRL, car il s'en vient les 30, 31 mars et 1er avril prochain. CKRL vous invite à son 31e Radioton. Venez nous voir, venez nous rencontrer toute la fin de semaine. Il y aura des artistes qui vont se succéder sur les planches de notre plateau de radio. C'est vraiment préparé uniquement pour cette occasion. Alors, la thématique cette année, c'est une histoire de famille qui a été inspirée de nos porte-paroles, Mariem et Webster. Alors, soyez à l'écoute et surtout donnez généreusement, comme c'est votre habitude depuis maintenant 3 décennies, parce que c'est KRL, je vous rappelle, c'est votre histoire. Je me tourne maintenant vers Michèle Monette, qui, je le rappelle, est notre réalisatrice. Bonjour, Michèle. Bonjour. Vous avez reçu pour nous l'éditorial de Claude Vaillancourt, président d'Attaque Québec. Oui, on a reçu l'éditorial de Claude et il y a un lien avec la chanson qu'on vient d'écouter. Tout à fait. Nous étions vraiment morts de rire dans le studio en l'écoutant. Oui. Alors, on va donc entendre l'éditorial de Claude. La grève étudiante a le mérite d'amener une importante réflexion sur l'éducation et en même temps sur la façon de collecter et de dépenser l'argent public. Au départ, on parlait surtout de la hausse en tant que telle, mais aujourd'hui, le débat va beaucoup plus loin. Une hausse qui, soit dit en passant, peut sembler très peu. L'ineffable André Pratt de La Presse nous dit que c'est seulement 6,25 par semaine par année. Ou, selon un autre point de vue, ça peut paraître énorme. Les étudiants nous disent que c'est quand même une augmentation de 75 %. Donc, à retenir de ce débat, 5 principes fondamentaux. Alors, premier principe, c'est que pour financer un service public, l'impôt progressif vaut mieux que la tarification. C'est un principe souvent défendu d'ailleurs à l'émission Le Grain de sable. C'est à l'ensemble de la société qui profite d'une population instruite de voir au financement de l'éducation chacun selon ses revenus. C'est sans aucun doute le meilleur système. Deuxième principe, l'université doit gérer de façon responsable l'argent qu'on lui donne, ce qui ne semble pas être le cas avec les salaires de plus en plus élevés des hauts cadres, avec les primes de départ élevées, avec la publicité qui est très coûteuse, le maraudage entre les universités, les développements immobiliers chers et inappropriés, la recherche au service de l'entreprise privée. Donc tout ça n'a pas à être payé ni par les étudiantes et étudiants, ni par les Québécois et Québécoises. D'ailleurs, ce type de dépense ressemble beaucoup plus à celle d'une grande entreprise privée que à celle d'une institution d'enseignement. Troisième principe, l'université doit se consacrer aux missions qui lui sont propres, surtout l'enseignement qui semble le grand négligé dans la situation actuelle. L'université, ça doit former des esprits libres et critiques et non pas des jeunes qui investissent dans leur carrière. Quatrième principe, l'éducation a la valeur et le coût qu'on choisit collectivement de lui donner. Le gouvernement a essayé de nous convaincre qu'il fallait ajuster nos frais de scolarité sur ceux des autres provinces canadiennes, comme s'il s'agissait tout bêtement de suivre la loi de l'offre et de la demande, ce que les étudiants ont clairement refusé. Cinquième principe, forcer les étudiants à s'endetter, lier les jeunes en début de carrière à des institutions financières peut être ruineux pour une société. L'endettement, c'est déjà un problème pour les étudiants. Alors, ce n'est pas aux banques qui sont déjà très prospères qu'il faut venir en aide, mais bel et bien aux jeunes qui commencent dans la vie. Et on a intérêt à ce que leur savoir soit varié, donc qu'il ne soit pas seulement lié aux professions payantes qui vont leur permettre de rembourser rapidement leurs dettes. On constate donc qu'il y a dans cette grève des enjeux directement reliés aux préoccupations d'attaque, par exemple à propos de la fiscalité, de la justice sociale et du contrôle nécessaire des institutions bancaires. Les étudiants en grève ont beaucoup de mérite, dont celui d'avoir fait basculer l'opinion publique qui gobait des propos du gouvernement selon lesquels, on nous l'a répété mille fois, chacun doit faire sa juste part. Maintenant, de plus en plus de gens constatent la nécessité d'avoir une éducation accessible au plus grand nombre et que cela va faire du Québec une meilleure société. Souhaitons donc que le gouvernement Charest se mette enfin à l'écoute des étudiants et des étudiantes. En effet, souhaitons-le. Un grand merci à Claude Vaillancourt pour son éditorial. Michel, est-ce que tu as d'autres informations à partager avec nous? En fait, oui, j'ai ramassé beaucoup d'informations que je vais laisser sur le site, notre blog que j'invite les gens à visiter. Beaucoup d'informations concernant justement toute cette question de la grève étudiante. C'est intéressant parce que ça permet aux gens de sortir des chiffres, de relativiser finalement ce discours disant que les étudiants devraient faire leur juste part. On réalise finalement que c'est bien intéressant que les étudiants fassent leur juste part, mais il y en a d'autres qui ne la font plus, leur juste part. Et le problème est là. Et on réalise aussi que les frais afférents ont augmenté. Donc, quand on parle de gel des frais de scolarité, ce n'est pas vrai. Alors, toutes ces informations-là, je vais les mettre sur le blog. C'est en fait un peu en complément de l'éditorial de Claude. Alors, ça va être très, très, très intéressant. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, pour l'instant, alors on va aller en publicité. Au retour, ce sera la chronique de Robert Jasmin. À tout de suite. Le Radio-Ton de CKRL arrive à grands pas. Et ce grand rassemblement radiophonique vous sera présenté par la Boîte à pain Café Napoli. La Boîte à pain Café Napoli vous propose 40 variétés de pain, un choix de pizza cuite sur feu de bois et nos fameux sandwichs pour tous les goûts. Les classiques jambon et fromage suisse, nos nouveaux capicolo et salami génois et plusieurs autres. La Boîte à pain Café Napoli, c'est également des salades tendance italienne, des viennoiseries et maintenant nos nouveaux choux à la crème. La Boîte à pain Café Napoli, 396 3e avenue à Limoilou et le 289 rue Saint-Joseph-Est. Notez que du 19 au 22 mars, notre succursale de Limoilou se refait une beauté et sera fermée pour sa rénovation. Visitez notre site boiteapain.com. La Caisse d'économie solidaire soutient 2800 coopératives et organismes sans but lucratif partout au Québec. De plus, elle conseille plus de 10 000 citoyens, comme vous, en matière d'investissement socialement responsable. À quoi sert votre argent? La Caisse solidaire vous invite à diversifier votre portefeuille. Faites comme Laure Varidel, la cofondatrice d'Équitaire, épargnez là où ça compte vraiment. Découvrez le placement à rendement social en visitant le www.placement.coop. La Caisse d'économie solidaire vous invite à écouter le dimanche 1er avril le Radio-Tour 2012 de CKRL. Au programme, concert intime, table ronde, artistes de tout horizon pour vous offrir une journée de radio exceptionnelle. Est-ce que les voitures roulent trop vite dans votre quartier? Y a-t-il suffisamment d'espace vert? Ou peut-être qu'on projette d'y construire un édifice commercial? C'est qu'il s'en passe des choses près de chez vous. Mais saviez-vous que vous avez votre mot à dire sur ce qui touche votre qualité de vie? Impliquez-vous en soumettant votre candidature pour les élections au sein de votre conseil de quartier qui se dérouleront du 2 au 20 avril. Mon quartier, j'y vis, je m'implique. Renseignements sur le site Internet de la Ville de Québec ou auprès de votre bureau d'arrondissement. La francophonie, une histoire d'amour, une passion, des artistes, une culture en mouvement, une langue riche, colorée, magique, une langue parlée et étudiée sur toute la planète, une langue internationale. Notre jeunesse, la relève, l'avenir, des des entreprises, des gens d'affaires, des créateurs, l'exportation, le rayonnement. La francophonie, c'est vous, nous, c'est toi, moi, c'est notre fierté. En français, je me distingue. Un message d'Impératif français. Ne manquez pas l'émission Conte de fées en sortie le samedi 17 mars prochain. Dès 13h, bonheur et rêverie avec des lectures, ainsi que du conte traditionnel avec Patrick Péloquin. Aussi, d'excellentes suggestions de livres pour vos enfants de la librairie Pantoute. Également des gourmandises de la pâtisserie Lukum Cupcake et des prix de présence pour tous les enfants. Tout ça, c'est gratuit. Conte de fées en sortie le 17 mars dès 13h au Studio P, 280 Saint-Joseph-Est. Une présentation de CKRL, de la librairie Fantôme, de Lukum Cupcake et du Studio P. Je t'aime. Devenez membre de CKRL ou faites un don pré-radioton et courez la chance de gagner un des deux prix suivants. 150$ à la boutique Le Pédalier. 150$ chez Sillon le disquaire. 418-640-2575 ou sur sillon.com. CKRL 82. Voilà, vous êtes toujours au grain de sable sur CKRL 89.1. Chers auditeurs, voyons, j'aurais pas dû commencer avec ça. Donc, il y aurait beaucoup à dire sur le système de justice aux États-Unis. On a déjà abordé à notre émission, je vous le rappelle, le scandale de la décision de la Cour suprême qui accordait le droit sans limite pour les corporations de financer des candidats et qui, à toute fin pratique, remet sérieusement en cause la démocratie elle-même en accordant aux 1% le droit de s'acheter un gouvernement. Aujourd'hui, nous abordons un autre volet du système de justice, l'élection des juges et la multiplication des prisons privées, deux éléments qui, on le verra, peuvent être intimement liés. Pour nous en parler, nous avons avec nous notre collaborateur Robert Jasmin. Bonjour Robert. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Alors, à première vue, est-ce qu'on ne peut pas dire que le fait d'élire des juges, c'est une belle illustration de la vie démocratique? Effectivement, à première vue, à chaque fois qu'on dit « élire quelqu'un », c'est une manifestation démocratique. Et comment ne pas être d'accord avec le choix de la majorité de la population? Mais c'est en apparence seulement que c'est un exercice démocratique. Parce qu'il ne s'agit pas ici du choix d'administrateur des biens de l'État ou de la mise en place de structures qui concernent, par exemple, la santé ou l'éducation ou même les services publics en général. Dans ce cas-ci, on choisit ceux qui vont administrer la justice, ceux qui, en fait, ont le destin et puis, dans certains cas, la vie de personnes entre leurs mains. Ces personnes qui doivent administrer la justice doivent être complètement libres de le faire sans influence autre que les principes de droit et de justice. Et en étant élus, ces personnes ne sont pas libres? Bien, on va y voir de plus près. D'abord, je vais commencer par une petite précision qui m'apparaît de la plus haute importance. Il faut souligner qu'aux États-Unis, on élit non seulement les juges, mais les procureurs de la couronne, l'équivalent des procureurs de la couronne ici au pays, et le shérif. Le shérif. Donc, on élit donc à la fois ceux qui font enquête, ceux qui procèdent à l'arrestation des personnes, ceux qui inculpent et ceux qui jugent. Mais là, on va s'attarder aux juges, la fin de la chaîne, parce que c'est là qui est plus important. Hein? Qui dit élection dit campagne électorale. Et qui dit campagne électorale dit financement. On estime aux États-Unis, le coût moyen d'une campagne pour l'élection d'un juge à $500,000. On parle ici d'une campagne locale au niveau d'un district. C'est même pas au niveau de l'État. Alors, écoute, Robert, on imagine les intérêts en jeu là, pour ramasser une somme colossale $500,000. Il en faut des dons? Oui, puis on peut facilement deviner que plusieurs avocats ont même intérêt à fournir à la campagne du juge. Parce que si un avocat ne m'a rien donné, je retiens son nom. Oh. Mais à l'inverse, si j'ai donné, le jour où je vais plaider devant le même juge, je vais espérer un retour d'ascenseur. Dans les deux cas, Dans les deux cas, il y a perversion de la justice, que je paye ou que je ne paye pas. Imaginons aussi la plainte d'un groupe de citoyens, par exemple, qui demande l'application d'une loi sur l'environnement contre une grande corporation qui, comme par hasard, a fourni à la caisse électorale du juge. Parce que ce n'est pas les pauvres qui vont fournir, ce n'est pas le citoyen moyen qui va fournir à une caisse d'un demi-million. On imagine que les grandes corporations vont y mettre leur grain de dollar. Mais s'il s'agit d'élections, il doit y avoir un programme électoral. Bien, c'est un autre aspect de ce que j'appelle une perversion démocratique. S'il veut être élu ou réélu, un juge doit plaire à ses électeurs. Il doit rendre des comptes. C'est normal pour un député de se rendre populaire, mais c'est très malsain pour un juge que de rechercher la popularité. Le juge n'est pas là pour être aimé. Il est là pour rendre une justice conforme aux lois, aux règles de preuve, puis à sa conscience. En le soumettant au suffrage des électeurs, on le soumet à décider non pas en fonction du droit, mais de l'opinion publique. Si je comprends bien, ça devient véritablement un concours de popularité. Exactement. Et c'est pour ça qu'on a vu des juges qui, pour être réélus, se glorifiaient du nombre de personnes qu'ils avaient condamnées ou même fait condamner à mort. Alors, ça ressemble drôlement à l'époque où, si je peux m'exprimer ainsi, la populace rendait justice par le lynchage de ceux qu'elle croyait coubables. Bref. Alors, c'est sur cette note peu rassurante que nous irons écouter Trio avec la chanson « Travailler plus ». Et au retour, ce sera le scandale des prisons privées. On n'a pas voté pour travailler plus. Je pensais avoir gagné mes 35 heures. Du labeur que l'usine ou d'être un ramoneur. Je suis comme mon ouvrier, je suis l'agriculteur. Pas peur de travailler, marre d'être manié. Je pensais avoir gagné mes 35 heures. Je suis l'infirmière, je suis l'instituteur. 40 élèves par classe, les urgences qui n'ont plus de place. Les insultes, ça nous connaît, on n'a pas le choix et on les fait. Mais qui a voté pour travailler plus? Pour gagner plus, j'ai pas décidé de travailler plus pour gagner. Je pensais que le monde allait changer, que le temps libre et libéré avait son intérêt. Des emplois, des métiers d'avenir, une économie d'écologie et de loisirs. Je pensais que le monde allait changer, que nos conneries nous avaient raisonné, que le partage des bénéfices irait dans le sens de la justice. Y a du vice, je pense trop, mais je dois pas être trop con. Je l'ai bien vu, le gros bateau qu'a acheté mon patron. Moi je joue au loto, 30 ans de crédit pour ma maison. Et si je lève le gros lot, je crois que j'arrêterai mon boulot. J'ai pas décidé de travailler plus. Je pensais avoir milité pour une augmentation. Je voulais pouvoir emmener les gosses au parc d'attractions. Le vendredi après-midi, je faisais les commissions. Et le samedi et dimanche, je m'occupais des rejetons. Je pensais avoir milité pour d'autres horizons. Mais les échanges boursiers sont pour mon opinion. En vacances, hors de France, le boss et mon patron ont décidé que les heures sup seraient ma destination. Je pense qu'un jour on va tous y venir. Le moment fatal de devoir réfléchir. Si on est le travail, sans une vie à en mourir. Si comme des hommes on va bosser et nous rien dire. Je pense que le boss passe pas à la télé. Mais que l'avenir de mes gosses n'est pas dans ses idées. Que le temps, le vent, les amis, l'écologie font partie de la vie et c'est pour ça que j'ai pas choisi de travailler plus pour gagner plus. On n'a pas voté pour travailler plus. Alors c'était Travailler plus avec le groupe Trio. Je vous rappelle que nous sommes toujours en compagnie de Robert Jasmin, avec qui on vient de parler de l'élection, le phénomène d'élection des juges aux États-Unis. Alors, si vous l'avez manqué, je vous invite à nous réécouter dans les enregistrements. Robert, tu nous avais annoncé un autre sujet ou devrais-je dire un autre volet du même sujet, le cas des prisons privées aux États-Unis. Oui, je pense qu'ici, nous touchons, je crois en tout cas, au point extrême de la logique néolibérale. Les néolibéraux, ou si vous voulez, les adeptes de la secte du tout au marché, veulent, on le sait, le moins d'État possible et la remise au privé de tout ce qui bouge sur la planète. Et comme la bêtise, ben, les néolibéraux sont sans limite. Ils ont donc poussé leur obsession jusqu'à privatiser les prisons aux États-Unis. Et en remettant les prisons à l'entreprise privée, celle-ci n'est pas seulement en conflit d'intérêts, elle est en aménagement d'intérêts. Qu'est-ce que tu veux dire par aménagement d'intérêts? Ben, c'est simple. Toute entreprise privée ne peut survivre que si elle fait des profits. Et ceux qui investissent dans une entreprise s'attendent au maximum de profits. Une prison privée, c'est une entreprise comme une autre et il lui faut être rentable. La seule façon pour une prison de l'être, c'est d'être occupée à pleine capacité. Bien sûr. Notons une chose importante, c'est l'État qui défraie le coût de la pension des détenus. Plus vous avez de détenus, plus vous faites de l'argent. Et j'ai l'impression, ben, pour remplir les prisons, il faut des condamnations. Et oui. Puis c'est ici que se forme le beau cercle vicieux de la justice américaine. Le propriétaire d'une prison, voulant remplir sa prison au maximum de sa capacité, a tout avantage à avoir un juge qui fait bien son travail. J'entends par là, il faut donc tenter de financer l'élection du bon juge. Enfin, le juge qui voudra bien le remercier, le propriétaire de la prison, en lui envoyant le maximum de détenus. Incroyable! On peut imaginer le résultat? Ben, en fait, on n'a même pas à imaginer. En 2009, c'est un cas qui est maintenant connu aux États-Unis, un cas de corruption extrême a fait la manchette. Deux juges de Pennsylvanie ont été déclarés coupables de recevoir d'importants pots de vin de la part de promoteurs de différents centres pénitentiaires privés pour prononcer des condamnations en masse et de cette façon, comme je le disais plus tôt, favoriser la rentabilité de ces prisons-là. Ces juges, les deux juges, ont envoyé en prison plus de 5 000 jeunes pour des délits tels que... Puis là, écoutez bien, là. Hein? Et là, c'est textuellement, là. C'est cité, là. Oui. C'est des délits tels qu'une bagarre en autobus scolaire en prison ou la diffusion d'une parodie d'un professeur sur Internet. Il y a même un enfant de 12 ans qui a été condamné à 2 mois de prison ferme pour avoir rayé la voiture de sa mère après l'avoir utilisée sans permis. 12 ans. C'est épouvantable. Un autre a été incarcéré durant 2 mois pour avoir volé un morceau de viande au neveu de sa mère. C'est pas de la fiction? Non, c'est pas de la fiction. On peut pas inventer de telles histoires. Non, on peut pas inventer des histoires comme ça. Mais c'est pas tout. Au cas de corruption directe et illégale, s'ajoute le lobbying qui, lui, est légal. Un rapport récent de la Fédération des fonctionnaires des États, des districts et des municipalités aux États-Unis révèle que les corporations propriétaires de prisons ont investi des centaines de milliers de dollars dans les campagnes non seulement des gouverneurs et des législateurs, mais des juges. Et quelle est la part du marché que détiennent les prisons privées? Ben, les prisons privées aux États-Unis, là, c'est toujours en hausse constante. En 2009, c'était 10 % de toutes les prisons aux États-Unis. Soit dit en passant, le taux d'incarcération aux États-Unis, c'est de très loin le plus élevé de tous les pays développés. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'avec la nouvelle loi d'Harper, mais si on a le temps, on y reviendra, là. Probablement. Ben, c'est exactement ce qui est en train de se passer ici, en Harperland. Moi qui croyais qu'on était bien de ce côté de la frontière. Oui. Ben alors, regardez ce qui se passe là-bas, puis ça va nous donner une bande-annonce de ce qui va se passer dans le film d'ici. En 2009, 10%, soit une hausse de 3% par rapport à 2006, trois ans avant. Il y avait en 2009 126 000 détenus dans les prisons privées. La plus grande compagnie de gestion des prisons, qui s'appelle la CCA, Correction Corporation of America, est cotée en bourse. Oui. Cette grande... Alors, il y a des gens qui spéculent sur la hausse des détenus, alors que les chiffres nous montrent une baisse constante de la criminalité aux États-Unis comme au Canada. Mais alors, le paradoxe, c'est que la criminalité baisse, mais le taux d'incarcération monte et ça fait monter les actions de la grande corporation cotée en bourse qui comprend la majorité des prisons privées. Alors, cette grande corporation vient de proposer un deal, hein, on va employer le mot américain, là, de 250 millions de dollars. Ils viennent de proposer ça à 48 États américains où les autorités locales sont pratiquement ruinées par la crise économique. Donc, à partir du moment où un État est ruiné, il cherche à vendre les meubles, dont les prisons, dont il a la charge. Et eux autres disent, on vous offre 250 millions pour acheter les prisons. Quel bonhomme! En échange, et c'est ça qui est épouvantable, dans le contrat, hein, on vous offre 250 millions, mais en échange, elles exigent que les États s'engagent par contrat à garantir un taux de remplissage des prisons d'au moins 90 % pendant 20 ans. Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire que si subitement là, les gens deviennent bons, par contrat, il faut remplir les prisons. Il faut trouver des délits. Des choses comme ça. Alors, comment ils vont assurer un remplissage comme ça? Alors, excusez, ça n'a pas de sens. On peut facilement imaginer que les abus déjà connus dont on a parlé vont facilement se multiplier. Je vous donne encore des exemples connus puis tristement célèbres. En 2011, l'année passée, un juge a été déclaré coupable d'avoir envoyé plus de 6 000 jeunes, un seul juge, coupable d'avoir envoyé plus de 6 000 jeunes en prison pour se faire de l'argent. Il avait un contrat secret avec des prisons privées. Plus il envoyait d'enfants, plus il recevait des commissions. Évidemment, on le rappelle, toujours à la charge des contribuables. Et sa plus jeune victime avait 10 ans. Une adolescente de 15 ans a été condamnée à 3 mois de prison pour s'être moqué d'une assistante de son école sur MySpace. Des jeunes, et c'était en grande partie la source de l'enquête sur ce juge-là, des jeunes se sont suicidés suite à ces emprisonnements injustes. Aïe, aïe, aïe. Le deal a rapporté à ce juge 1,2 million de dollars. Alors, on fait de l'argent sur la vie d'enfants. J'appelle ça du trafic d'enfants, moi. Un autre juge, le complice du premier, avait fait fermer une prison publique gérée par l'État afin de renvoyer les gens vers des prisons privées. Donc, le juge, dans une décision, pour des raisons peut-être sanitaires ou autres, avait, dans son jugement, fait fermer une prison. Mais c'était pour vider la prison puis l'envoyer dans une prison d'un complice qui, comme par hasard, venait de construire une belle prison privée. Ouf! Moi, je trouve ça vraiment surréaliste, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, c'est chers auditeurs. C'est un tableau assez noir de ce qui se passe aux États-Unis. Alors, c'est à l'image du système, de leur système économique. Oui. D'après moi, c'est en lien direct avec le système économique. Oui, Michel, si tu voulais... Si je peux me permettre d'intervenir, parce que ça m'inquiète ce que vous avez dit tantôt, vous parlez de C10, le fameux bill, la fameuse loi qui a été adoptée, qui va augmenter les peines de prison. Et bon, il y a le libre-échange, et il y a aussi, il y a eu des tentatives de privatisation des prisons au Canada. Alors tout ça, ça peut nous mener à quelque chose de catastrophique. Oui, en tout cas, là, je cède la parole à Robert concernant, c'est ça un peu ce que tu disais, Michel, par rapport à la loi fédérale C10 qui va peut-être être passée, qui a passé cette semaine en Harperland. Oui. Donc, et ça nous inquiète, hein, n'est-ce pas, Michel? Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, bien, en fait, juste cette loi qui, d'une part, est imposée, on va parler juste du Québec, là, parce que l'opposition net du gouvernement québécois tranche par rapport aux autres provinces. Il y a eu comme un silence radio des autres provinces, mais le Québec s'est levé en bloc. Le gouvernement du Québec, qui n'est pas le gouvernement le plus progressiste, s'est quand même déplacé à Ottawa, ce qui est en fait un précédent. Physiquement, le ministre s'est déplacé à Ottawa pour dire « Attention, cette loi va contre toute l'économie générale du processus de réhabilitation qui a fait ses preuves au Québec. » Il y a des gens qui, dans d'autres pays, prennent le Québec en modèle pour réhabiliter notamment les jeunes. Mais avec la loi d'Harper, avec les peines minimales pour des jeunes, on va remplir des prisons. On va devoir construire des prisons au Québec. Et la prison, c'est notoire. Parler à tous les spécialistes, tous les criminologues, la prison, c'est la meilleure école du crime pour des jeunes. Excusez-moi, Robert, mais je le disais aussi, là, il y a la question des tentatives de privatisation là, de prisons au Canada aussi qui est inquiétant. Bien, en fait, si on suit la logique que Harper est en train de mettre en branle, c'est probablement à ça qu'on va arriver. Ouais. Parce que tôt ou tard, un gouvernement va dire « je n'ai plus les fonds pour construire des prisons », puis la tentation va être là de faire construire des prisons qu'on va donner à l'entreprise privée. Et ça va élargir le marché de l'entreprise américaine dont vous nous parliez. Alors là, si on pense au libre-échange, on voit tout de suite venir la copie conforme de ce qui se passe aux États-Unis. Heureusement, il y a une chose au moins qu'on peut encore, je dis bien encore, prétendre, c'est que nos juges étant nommés, non pas élus, mais on peut penser que les juges ont encore une certaine marge de manœuvre pour exercer une justice normale. Mais attention, on vient d'enlever aux juges un pan très important de la justice au Québec, au Canada en fait, parce que c'est dans tout le Canada qu'on a enlevé ça aux juges, le droit d'apprécier cas par cas la peine qu'on doit imposer à un accusé, à un coupable. Parce que dans certains cas, c'est certain qu'on doit tenir compte des circonstances. Mais avec une peine minimale obligatoire, le juge n'a plus cette liberté, n'a plus cette indépendance. Alors, très inquiétant, en effet. Oui. Merci, Robert, de nous avoir éveillé les consciences sur ce sujet. Je me tourne maintenant vers Michel. Alors, où en sommes-nous maintenant aux événements surveillants les jours qui viennent? Bien, d'abord, j'aurais pu le souligner tantôt. À compter de 13 ans, il y a au cégep Limoilou, campus à Québec, le campus de Québec de Limoilou, il y a des manifestations familiales contre la hausse des frais de scolarité. Ça va se dérouler dans plusieurs villes du Québec. Donc, si vous êtes dans le coin, allez au cégep de Limoilou, joindre cette manifestation, ou sinon ailleurs au Québec, là, il y a plusieurs endroits où il y a les manifestations contre la hausse des frais de scolarité. Sinon, il y a beaucoup de choses cette semaine. Je vais tout mettre ça sur notre blog, Valérie. Valérie. Il y a beaucoup de choses cette semaine concernant, entourant la Journée mondiale de l'eau. On sait que c'est, je crois que c'est le 20 ou le 21 mars, la Journée mondiale de l'eau. Je m'excuse, là, j'aurais dû le noter. Mais enfin, quoi qu'il en soit, il y a le film Même la pluie qui va avoir lieu de Tabienne Louvia qui nous ramène à la lutte des peuples du Sud pour le droit à l'eau et contre la privatisation de cette ressource. On parle de privatisation encore, qui va avoir lieu. Ça va être au cinéma Cartier le 18 mars, 10h. Sinon, au café, au bar L'Agité, le 20 mars à 17h30, au centre Trécarré, 21 mars à 18h. Et enfin, il y a beaucoup de choses autour de l'eau cette semaine. Là, on pourrait en parler encore longuement, mais on va pas devoir s'arrêter ici, Valérie. Je vais tout mettre les liens sur notre blog. Alors, bien, merci. Merci, Charles. Alors, là-dessus, c'est déjà le mot de la fin. Je vous rappelle à nouveau le Radioton CKRL, un événement ne pas manquer qui se déroule le 30-31 mars et 1er avril. C'est une importante activité de financement pour la station. Alors donnez généreusement et c'est le temps de renouveler votre carte de membre, je le rappelle. J'aimerais remercier toute l'équipe qui participe à l'élaboration de cette émission. Donc premièrement, Robert Jasmin, pour nous avoir démystifié un peu les dessous du système de justice aux États-Unis. Également, Claude Vaillancourt, président d'Attaque Québec, pour son éditorial toujours aussi percutant. Michel Monette à la réalisation et aux communications. Et voilà. Et aujourd'hui, à la mise en onde. Donc, merci, merveilleuse équipe. Et j'aimerais également remercier notre invité de la semaine, André Jacob, coordonnateur de l'Observatoire international sur le racisme et les discriminations à la chaire de recherche en immigration, ethnicité, citoyenneté, de l'UQAM. Alors, je vous invite à revenir avec nous la semaine prochaine, dès samedi midi, pour une nouvelle édition du Grain de sable. Je vous laisse maintenant en compagnie de la charmante Olivia Vu, qui sera en direct du Studio P, avec son émission Contes de fées sur la littérature jeunesse. Tout ça sur les ondes de CKRL 89.1, cette radio unique et merveilleuse qui cultive vos goûts.